Moi, mon père, il voit tellement rien que quand il veut se garer, il me déhoque de descendre de la voiture pour l'aider. Eh bien, le mien, il a une deuxième paire de verres Varilux, exprès pour conduire. Conduite, sport, solaire. Pour votre deuxième paire, choisissez aussi Varilux avec les offres qualissimes. Varilux, un verre Essilor. Opticien participant sur Essilor.fr. Dispositifs médicaux, consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien. Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelle était la locomotion des hominoïdes et quelle est l'origine de la bipédie? À partir de quand la main humaine n'a-t-elle plus joué de rôle dans les déplacements au sol ou en suspension comme chez les gorilles? Quelles modifications squelettiques et musculaires entraînent la pratique de la course? Quelle est la dépense énergétique de cette course chez les hominines et comment est-elle singulière par rapport aux quadrupèdes? Demande le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin. Les hommes font-ils preuve de plus d'endurance que les animaux? Fidèle à son approche pluridisciplinaire à la pointe des innovations techniques, Jean-Jacques Hublin, professeur à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire à Leipzig en Allemagne, professeur invité titulaire de la chaire internationale de paléanthropologie au Collège de France, poursuit son interrogation du budget énergétique des hominines et questionne dans cette perspective les adaptations à la locomotion verticale dans le cadre de sa série de cours intitulée traits de vie et contraintes énergétiques au cours de l'évolution humaine. Dans un entretien donné au Monde en 2014, Jean-Jacques Hublin soulignait, je le cite, qu'au cours des deux derniers millions d'années, les hommes ont externalisé un certain nombre de fonctions biologiques, c'est-à-dire qu'ils ont économisé de l'énergie en déléguant aux outils et à la technologie des fonctions qui, chez les autres espèces, sont des fonctions biologiques. Dans une autre interview, cette fois-ci au journal Le Point en 2016, le chercheur notait que le cerveau permet de chasser plus efficacement, de fabriquer des armes plus élaborées. Avoir un gros cerveau demande beaucoup d'énergie fournie par l'intestin, mais permet aussi d'extraire plus d'énergie de notre environnement. Et au fil de son évolution, l'homme a développé des moyens d'économiser la dépense énergétique pour la réallouer au cerveau. Les changements d'alimentation ont eu des conséquences aussi sur la taille du cerveau, tandis que l'endurance de l'homme, dans la course avec un système singulier de thermorégulation, lui a ouvert d'autres modes de chasse, s'appuyant notamment sur l'épuisement de ses proies. C'est une sorte de cercle vertueux où la locomotion bipède a pu jouer sa partie. Mais avant de découvrir les avantages de l'endurance humaine, que nous apprend la documentation fossile des modes de déplacement des primates et des primates hominoïdes avant les hommes? Et nous gagnons le Collège de France le 14 novembre 2017 pour le cours de Jean-Jacques Hublin, traits de vie et contraintes énergétiques au cours de l'évolution humaine, aujourd'hui le coût de la bipédie. Au sein des primates hominoïdes, les hommes se distinguent complètement par leur mode de locomotion, qui est un mode de locomotion redressé, un mode de locomotion bipède. Et d'ailleurs, le fait que les autres hominoïdes, en tout cas, vu du point de vue des hommes, ont un comportement locomoteur un petit peu identique, a longtemps contribué au fait qu'on a groupé tous ces hominoïdes non humains dans une famille à part, qu'on appelait les pongidés, et puis l'homme, lui, on lui avait créé un espace particulier, celui des hominidés. Alors tout ça a été remis en cause en particulier par la phylogénie moléculaire, quand on s'est rendu compte qu'en fait, les chimpanzés, les bonobos, étaient beaucoup plus proches parents des hommes qu'ils ne l'étaient des orang-outans ou des gibbons. Et donc en fait, c'est plutôt les hommes qui, au sein d'un buisson où ils sont très apparentés à certaines formes de grands singes africains, ont fortement divergé en développant ce mode de locomotion tout à fait particulier. Cela étant dit, il ne faut quand même pas non plus retenir l'idée que les grands singes, le chimpanzé, le gorille, représentent une forme primitive de locomotion à partir de laquelle aurait évolué la bipédie. Et ça, c'est une erreur qui est souvent commise par le public, et pas que par le public, parce qu'en fait, on a de bonnes raisons de penser que la locomotion de ces grands singes, elle-même, est une locomotion assez dérivée, et en particulier, elle a dû s'adapter à une augmentation de la masse corporelle dans ces lignées, comme dans la lignée humaine, il y a aussi une augmentation de la masse corporelle. Alors, cela étant dit, les hominoïdes, surtout les formes anciennes d'hominoïdes, sont connus pour leur adaptation à un mode de vie arboricole. Ils ont développé des modes de locomotion dans ce milieu-là. Alors, ça peut être du grimper. Et puis, il y a des formes de déplacement par suspension, ce qu'on appelle la brachiation, qui consiste en gros à se balancer suspendu aux membres antérieurs pour se déplacer de branche en branche. Mais en fait, de nombreuses espèces combinent toute série de formes de locomotion dans les arbres avec de la brachiation, de la quadrupédie sur les branches, un petit peu comme les petits singes, les petits cercopithécoïdes. Et puis, vous voyez, c'est un jeune orang-outan, vous voyez, qui fait usage de tous ses membres, y compris de ses pieds, pour se déplacer dans les arbres. Alors, chez les proches parents de l'homme, que sont les gorilles, les chimpanzés et les bonobos, on a vu apparaître probablement assez récemment au cours de l'évolution des hominoïdes des formes de locomotion au sol, en particulier à cause de l'augmentation importante du poids, et c'est particulièrement vrai pour les gorilles. Les gorilles adultes, mâles, peuvent monter dans un arbre s'ils ont besoin de monter dans un arbre, mais j'allais dire, ça n'est pas leur terrain de prédilection. Et donc, ces grands singes se déplacent dans une position quadrupède en utilisant leurs membres antérieurs et leurs jambes pour se déplacer sur le sol. Et notamment, chez le chimpanzé et chez le gorille, on a ce mode de déplacement qu'on appelle en anglais « knuckle walking », qui est une marche sur les phalanges, où l'animal s'appuie sur la main repliée, et donc sur le dos des phalanges, pour appuyer le poids du corps. Ce mode de déplacement, on ne le connaît guère dans la documentation fossile. En fait, on n'a pas de fossiles de grands primates qui utilisent la marche sur les phalanges. Alors, il y a eu des suspicions, si je peux dire, à propos de certains primates miocènes, mais cette démonstration est loin d'être acceptée par tous. Elle se fonde sur, non pas la morphologie des phalanges, mais sur la morphologie du carpe, qui est particulière chez des genres comme Ramapithecus, par exemple. Les phalanges sont considérablement renforcées chez le chimpanzé et chez le gorille pour pouvoir supporter ce poids du corps avec des systèmes un petit peu de blocage et puis des consolidations des articulations avec des ligaments pour empêcher la dislocation de la main à cause de cet appui du corps sur les phalanges. à ces cette locomotion arboricole que je vous ai montrée et cette locomotion sur le sol dans une position quadrupède, évidemment, s'ajoute le grimper. Et voilà, donc un gorille de montagne, je pense que c'est une femelle qui est en train de monter un arbre. Et voyez que dans ce grimper, la position du corps, c'est une position verticale. Et en fait, cette position verticale du corps, c'est quelque chose sur lequel les paléontologues ont beaucoup insisté en disant que dans le fond, quand on est passé de formes qui étaient des formes légères et des formes qui étaient essentiellement quadrupèdes, je vais vous en montrer tout à l'heure, du Miocène à des formes un petit peu plus lourdes, cette tendance à placer le tronc dans une position verticale, ça a pu être une espèce d'étape prédisposant à la posture bipède et la locomotion bipède. Donc il y a, dans le monde des paléontologues, une minorité qui pense que la marche sur les phalanges a pu être quelque chose qui a précédé la bipédie. La majorité pense plutôt qu'on est passé d'une locomotion arboricole à une locomotion terrestre bipède avec une espèce d'habituation à cette posture verticale du tronc. Ce qui est important à retenir aussi, c'est que le chimpanzé, le gorille, le bonobo, même si normalement sur le sol, le plus souvent, il se déplace de façon quadrupède, eh bien, il se redresse dans une posture verticale. Alors, ça peut être simplement une posture verticale, mais ça peut être aussi une locomotion, si c'est nécessaire, sur les membres inférieurs. Et cette locomotion, évidemment, elle est très différente de la locomotion qu'on observe chez les hommes, mais c'est quelque chose qui existe chez les grands singes. Ils peuvent marcher, ils peuvent même, je peux dire, courir un petit peu en position redressée. J'insiste aussi, c'est un point de vocabulaire, mais qui est important, quand on parle de bipédie, on confond parfois la locomotion bipède, c'est-à-dire le déplacement sur les membres antérieurs, et puis la posture, la position bipède. Il y a une différence entre les deux. Donc on peut très bien avoir des espèces où on a occasionnellement ou même souvent une posture bipède sans forcément avoir une locomotion bipède. Alors ces différences qu'on observe entre l'homme et ses grands singes, évidemment, vont se traduire sur le plan anatomique par une multitude de différences. Et je commence par le haut, si je peux dire. Il y a des différences notoires dans l'anatomie de la main entre les grands singes africains et les hommes. Et je vous ai déjà dit que chez le chimpanzé, à cause de la locomotion en appui sur les phalanges, il y avait des systèmes de blocage et de consolidation des articulations des phalanges et puis des phalanges sur les métatarses. Il y a aussi des proportions de la main et des proportions des doigts qui sont très différentes de ce qu'on observe chez l'homme. Pourquoi ? Eh bien parce que dans le fond, la main d'un chimpanzé, quand il se déplace dans le milieu arboricole, doit pouvoir faire office, si je peux dire, d'espèce de crochet pour se suspendre. Et donc, quand les doigts du chimpanzé se replient en arc autour d'une branche, eh bien, ils constituent une prise très très solide, sans qu'il y ait forcément un rôle à jouer pour le pouce, qui est, vous le voyez, assez réduit en longueur par rapport aux autres doigts. Alors chez l'homme, la situation est complètement différente. Pourquoi ? Eh bien, parce que chez l'homme, la main ne joue plus aucun rôle dans la locomotion. Elle est utilisée à autre chose. Donc on n'a pas tous ces mécanismes qui sont des mécanismes de renforcement musculaire, ligamentaire et squelettique de la main pour répondre aux contraintes de la locomotion. Mais par contre, on va avoir des modifications en particulier du carpe et puis de la longueur des doigts pour permettre toute une série d'utilisation de la main notamment en faisant jouer au pouce un rôle d'opposition par rapport aux autres doigts. Et donc les hommes sont capables de faire des choses que les chimpanzés ne font pas, en particulier ce qu'on appelle la saisie de précision, qui permet, en opposant le pouce avec tout ou partie des autres doigts, de saisir des objets de toute taille, depuis un crayon jusqu'à une batte de baseball. Et vous voyez ici toute une série de ces prises qui permettent un contrôle très très fin de la saisie de l'objet, et puis là, dans le cas présent, de son lancer, et puis aussi des saisies en force d'objets, toujours pareil, avec le pouce en opposition aux autres doigts. Donc, chez l'homme, plus de rôle locomoteur de la main qui est utilisé dans des tâches, en particulier des tâches techniques. Alors les autres modifications qu'on va voir se produire intéressent le rachis, le bassin, le membre inférieur. Et en fait, la plupart tournent autour du fait que dans une locomotion bipède, dans une posture bipède, le poids des viscères, le poids du corps, il est transmis de façon verticale au bassin et au membre inférieur. Et donc, le bassin humain, qui est comparé à droite avec un bassin de chimpanzé, eh bien, le bassin humain se comporte véritablement comme un bassin, c'est-à-dire comme une espèce de coupe qui soutient les organes. Et vous vous souvenez que quand on a parlé de la gestation et des problèmes de mise au monde des petits hominines et de la question de savoir jusqu'à quel point le bassin pouvait être large ou pas, j'ai insisté sur le fait que l'ouverture du bassin ne pouvait pas être indéfinie, puisqu'il y avait un risque que justement les organes passent au travers. Alors ce risque, il existe beaucoup moins chez le chimpanzé. Pourquoi ? Eh bien parce que le bassin du chimpanzé, c'est une espèce de voûte à laquelle les organes sont suspendus. Hein. Et donc, quand il est dans une position quadrupède, les iliums, c'est cette partie de l'os coxal, du bassin, se trouve au-dessus des organes qui sont supportés par le bassin humain. Donc, il y a des proportions de tous les éléments constitutifs de l'os coxal qui sont très différentes chez le chimpanzé et chez l'homme. Autre différence qui est très très importante, c'est l'anatomie du rachis, de la colonne vertébrale, qui, chez l'homme, présente une série de courbures. Alors ça commence avec une courbure cervicale, en lordose, hein, c'est-à-dire avec une concavité vers l'arrière, et puis une courbure dorsale en syphose, c'est-à-dire avec une convexité vers l'arrière. Et puis, quelque chose qui est vraiment très particulier aux hommes, c'est cette concavité de la région lombaire qui est très directement associée à la locomotion bipède. Notamment dans le registre fossile, les paléontologues s'intéressent beaucoup à cette région anatomique parce que c'est généralement considéré comme porteur de caractères qui permettent de détecter des formes anciennes de bipédie. Et donc on a un mode de fonctionnement du rachis qui est quand même très différent chez un chimpanzé et chez un homme. Chez un homme, c'est une espèce de colonne un petit peu qui joue en même temps un rôle de ressort. Et puis chez le chimpanzé, eh bien, on a une espèce de voûte qui est d'ailleurs assez rigidifiée à sa base avec l'incorporation en fait au sacrum de vertèbres lombaires. Donc c'est très solide, c'est très rigide. Et en particulier, les chimpanzés évidemment n'ont pas besoin de tout ce système de courbures successives un peu en ressort. Et ils perdent, ils n'ont pas cette espèce d'étranglement de la taille qui permet aux hommes de déplacer la partie supérieure du tronc par rapport au bassin, parce que, en particulier pendant le grimper, chez les grands singes, chez les chimpanzés, il est important de pouvoir mobiliser le tronc facilement en utilisant le membre supérieur et le membre inférieur. Alors pendant la marche bipède, il y a toute une série de muscles qui sont mobilisés chez l'homme. Et ce qui est vraiment particulier à la bipédie humaine et qui la distingue de la bipédie occasionnelle qu'on rencontre chez les grands singes, eh bien, c'est la capacité et même la nécessité pour les hommes d'avoir une extension complète de toutes ces articulations qui sont mises en jeu pendant la marche. Et vous voyez en particulier que la cuisse vient en extension complète par rapport au bassin, ce qui va avoir des conséquences en particulier sur l'anatomie de l'ischion, qui est une partie du bassin qui se trouve vers l'arrière. On a aussi, pendant la marche bipède des hommes, une situation d'appui où le tibia et le fémur sont dans le prolongement l'un de l'autre, alors que chez les grands singes, quand ils pratiquent la marche bipède, eh bien, on va toujours garder une certaine flexion du membre inférieur. Et cette flexion, elle va se détecter au niveau du genou et aussi au niveau de l'articulation entre le tibia et le tarse. Et quand on regarde l'anatomie de ces parties-là chez les grands singes, on voit que, eh bien, dans la marche, ils n'ont pas cette capacité à étendre la jambe complètement comme les hommes. Alors, sur le plan musculaire, il y a aussi des différences très importantes. Et notamment, vous voyez qu'il y a certains muscles qui sont très développés chez les hommes, en particulier le gluteus maximus, la fesse, si vous voulez, qui est beaucoup moins développé chez un gorille. Et donc tout ça, c'est lié à cette locomotion si particulière des hommes. Alors je continue mon déplacement le long du membre inférieur. Le pied est extrêmement différent chez les grands singes et chez les hommes. Et vous allez voir que c'est lié à la locomotion bipède et à la marche, mais on va en parler dans un instant. C'est lié aussi à une autre possibilité pour les hommes, qui est la possibilité de course, qui est quelque chose qui sollicite énormément le pied sur le plan mécanique. Alors évidemment, d'abord, pour commencer, les proportions des orteils sont complètement différentes chez un grand singe et chez un homme, puisque les grands singes, comme ce chimpanzé, sont capables de saisir un objet avec leurs pieds. Et donc l'hallux, premier orteil, a une capacité il est en abduction, il est séparé des autres orteils et il peut être opposé aux autres orteils pour saisir un objet. Vous avez vu tout à l'heure un chimpanzé se promener avec une pomme au pied ou un petit orang-outan qui était capable d'attraper une branche. Donc chez les hommes, on a une réduction de la longueur des orteils et puis surtout le premier rayon, l'hallux n'est pas séparé des autres. Il y a aussi à l'intérieur du pied, c'est moins visible quand on regarde simplement la surface de la plante du pied, il faut regarder le squelette. On a une différence qui est très importante entre le pied humain et le pied de nos grands singes, c'est que les grands singes ont un pied qui est relativement plat et qui a une grande souplesse articulaire, en particulier entre le tibia et puis les phalanges et puis les métatarses et les phalanges, donc toute cette partie-là qui représente ce qu'on appelle le tarse, Eh bien, c'est une partie qui, chez les grands singes, présente une certaine capacité de mouvement, une certaine souplesse, qui est presque totalement perdue chez les hommes, avec un tarse qui est rigidifié. Et ce tarse rigidifié, avec beaucoup de ligaments qui relient tous ces éléments, c'est quelque chose qui va être absolument nécessaire pour amortir le choc de la marche, mais surtout le choc de la course, et aussi qui joue un rôle de ressort qui emmagasine de l'énergie au moment de la course. Et tout ça se traduit aussi par le fait que chez les hommes, on a une voûte plantaire qui est très marquée, qui est une voûte longitudinale, donc une courbure du pied antéro-postérieur, et puis aussi une voûte plantaire transversale, donc les métatarses forment une espèce d'arche, donc il y a une courbure du pied dans les deux sens qu'on ne retrouve pas chez les grands singes qui, encore une fois, ont un pied qui est beaucoup plus mou, si je peux dire, et beaucoup plus plat, dépendamment des problèmes de longueur de doigts. Alors, vous en avez déjà dit un mot, la locomotion bipède chez l'homme, ça n'est pas seulement la marche. Et on est capable de marcher, on est aussi capable de courir. Et dans le fond, longtemps, quand on a discuté de l'origine de la bipédie, on ne s'est pas trop posé le problème de la course. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est surtout posé le problème de savoir à quel moment on avait des formes d'hominines qui étaient dans une posture verticale et qui se déplaçaient de façon verticale, sans parfois comprendre que, en fait, les contraintes imposées par la course sont des contraintes assez distinctes des contraintes imposées par la marche. Et on peut très bien avoir un primate, un hominine, qui a une locomotion bipède et qui est capable, de façon tout à fait efficace, de se déplacer en marchant, mais qui, par contre, n'est pas taillé, si je peux dire, fabriqué pour la course. La course, c'est un mode de locomotion qui est très, très différent de la marche. Et en particulier, vous voyez que pendant la marche, le corps est constamment en appui sur un membre ou sur l'autre. Donc il y a une alternance d'appui avec de l'énergie qui est emmagasinée à chaque pas, mais qui est, dans le fond, de l'énergie, c'est la gravité, qui est accumulée, qui va être restituée à chaque pas. Alors que dans la course, on a un mode de locomotion qui est complètement différent, puisque vous voyez que l'appui n'est pas permanent. Dans le fond, la course est un espèce de succession de sauts, et cette succession de sauts ajoute sur le plan énergétique quelque chose qui n'existe pas dans la marche, c'est cette énergie qui est emmagasinée grâce à l'élasticité du pied et du membre inférieur et qui va être restituée à chaque enjambée. Alors il y a aussi d'autres adaptations qui sont nécessaires à la course et sont des adaptations qui intéressent le reste du corps. En fait, de courir, ce n'est pas quelque chose qui est, j'allais dire, si évident que ça. Un de mes collègues qui est professeur à l'université d'Harvard et qui est lui-même un coureur de marathon a beaucoup étudié cette question-là. Et dans le fond, dans ses travaux, Daniel Lieberman montre à quel point la course demande des modifications squelettiques et des modifications musculaires qui se propagent très très loin du pied et de la jambe. Alors, évidemment, le pied et la jambe sont modifiés, on en a déjà dit un mot, il y a cette rigidification du tarse, il y a ces voûtes plantaires transversales et longitudinales qui se créent, il y a tout un, comment dire, une modification des tendons, des ligaments, qui transforment le pied et la jambe en une espèce de ressort, en quelque sorte, qui permet la course, avec notamment un rôle très important du tendon d'Achille dans cette adaptation. Mais ces adaptations intéressent aussi le tronc, et en particulier, j'en ai déjà parlé, il y a chez les hommes une taille qui est assez marquée et qui permet la rotation de la partie supérieure du tronc par rapport au bassin. Pourquoi ? Eh bien parce que pendant la course, eh bien la partie supérieure du tronc va compenser les mouvements de balancement du bassin, hein, et quand vous courez, votre membre supérieur se déplace en opposition de phase à vos membres inférieurs, et ça n'est possible que s'il y a une rotation assez facile de la taille, enfin du tronc autour de la taille. Alors les grands singes, eux, ont des problèmes complètement différents, puisqu'ils ne courent pas dans une position bipède. Par contre, un des problèmes du grimper, c'est de pouvoir, par exemple, quand on est suspendu, de pouvoir relever son membre inférieur pour saisir une branche. Et ça, au contraire, ça demande exactement le contraire de la course. Ça demande une rigidification de la partie inférieure du tronc, avec des muscles qui viennent s'insérer sur le membre inférieur, mais qui contribuent à cette rigidification. Il y a aussi des modifications qui sont très importantes pour permettre la course chez l'homme et qui intéressent le cou et le crâne lui-même. Alors, le cou, pourquoi ? Eh bien, parce que pendant la course, il faut que la tête opère des mouvements qui compensent ces sauts successifs qui constituent la course. Hein. C'est-à-dire que quand vous courez, votre tête ne se balance pas dans tous les sens. Hein. C'est important que votre regard reste fixé dans une direction et que la tête, dans le fond, les mouvements de la tête soient amortis. Et donc, il y a des modifications à la nuque avec notamment un ligament postérieur qui est assez puissant chez l'homme et qui vient s'insérer sur l'occipital et qui empêche le balancement d'avant en arrière de la tête. Et puis, à l'intérieur du crâne, il y a un organe qui est l'oreille interne. Vous vous souvenez, je vous en ai déjà montré quelques exemples. Donc, cette oreille interne, elle est, comment dire, c'est un organe qui permet d'avoir la sensation de verticalité, la sensation de mouvement, la sensation de position dans l'espace. Et donc, cette oreille interne, elle va, avec ses canaux semi-circulaires, elle va être profondément modifiée chez les hominines bipèdes par rapport à ceux qui sont arboricoles pour justement répondre à toutes ces contraintes. Le Collège de France et France Culture vous présente le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin, aujourd'hui le coup de la bipédie. Alors venons-en à des problèmes énergétiques. La marche, la course, suivant qu'on est bipède ou quadrupède, a un coût énergétique bien différent. La dépense énergétique, alors on mesure la consommation d'oxygène. Alors on peut placer un espèce de masque avec un tube sur un volontaire et mesurer combien il consomme d'oxygène quand il marche, quand il court sur un, sur un tapis roulant qui va à des vitesses différentes. Ça devient un peu plus compliqué quand on veut faire la même chose avec un chimpanzé ou avec un cheval, mais on essaye d'avoir des données expérimentales. Alors, ce qui est assez remarquable, c'est que quand on regarde ce qui se passe au point de vue consommation énergétique pour un cheval, qui peut se déplacer, donc qui est un quadrupède de grande taille, qui peut se déplacer soit en marchant, soit en trottant, soit en galopant, eh bien, c'est que pour ces différentes allures, vous voyez qu'il y a un optimum énergétique qui est très marqué. C'est-à-dire qu'un cheval qui est au trot, il est dans un optimum énergétique, disons, entre à peu près 3 et 4 mètres par seconde de vitesse. S'il essaie d'aller plus vite que ça en trottant, il va commencer à dépenser beaucoup d'énergie. Et aussi s'il essaie d'aller beaucoup plus lentement. Donc on a ce phénomène, ces courbes en U, à la fois pour la marche, pour le trot et aussi pour le galop. Alors le passage du trot au galop, c'est un petit peu moins marqué. Enfin, si parmi vous, il y en a qui ont eu des chevaux et qui ont fait de l'équitation, ils savent très très bien que quand on force un cheval au trot au-delà d'une certaine vitesse, il va passer au galop spontanément parce qu'à un moment donné, eh bien, le coût énergétique du trot devient trop important et donc il passe au galop. Et donc, j'allais dire que spontanément, un quadrupède comme un cheval, si la personne sur le dos et qu'il fait ce qu'il a envie, quand il va se déplacer, eh bien, il va se déplacer à des allures qui représentent des vitesses discontinues, en fait. Donc, il va avoir une allure lente qui va être le pas, et puis ensuite, il va aller au trot à une vitesse complètement différente, et puis ensuite, au galop, à une vitesse encore différente. Alors, ce qui est tout à fait particulier avec les hommes, c'est que on a ce phénomène d'optimum énergétique pour la marche, mais on n'a pas ce phénomène d'optimum énergétique pour la course. C'est-à-dire que dès qu'on rentre dans cette démarche donc sautée de la course, eh bien, on a une progression qui est une progression linéaire en termes de consommation d'énergie. Donc, alors évidemment, au-delà d'une certaine vitesse, on est limité par ses capacités physiques. Tout le monde n'est pas un champion de course. Hein. Mais il y a donc une sorte de progression linéaire dans la course qui est tout à fait particulière et qui est liée à la bipédie, qui est liée au fait qu'on ne se déplace pas sur nos quatre membres. Alors ces dépenses énergétiques, elles peuvent être mesurées de différents points de vue. C'est-à-dire qu'on peut mesurer la dépense énergétique en termes de consommation d'énergie par kilo et par unité de temps. Hein. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le coût de la locomotion. Et vous voyez qu'effectivement, quand on se met à courir, donc ici, en abscisse, vous avez des vitesses en mètres par seconde, vous voyez que quand on passe de la marche à la course, eh bien, on consomme de plus en plus d'énergie et c'est fatigant par unité de temps. Alors maintenant, si on raisonne de façon différente, mais si on raisonne en termes d'énergie dépensée pour transporter des kilos sur une certaine distance, eh bien là, vous voyez que quand on rentre dans le régime de course, on a une espèce de plateau, c'est-à-dire qu'en fait, du point de vue du budget énergétique, une fois qu'on est rentré dans le mode course, alors en fonction des capacités physiques des uns et des autres, il y a une vitesse optimum pour courir le marathon. Il y a des gens qui courent le marathon très lentement, il y en a qui le courent très très vite, mais on a une espèce de plateau. Et donc la course humaine représente quelque chose de tout à fait particulier de ce point de vue-là. Et on peut prendre la valeur inverse de ce coût du transport, ce qu'on appelle l'économie du transport. Et vous voyez que, bon, alors, évidemment, ce qui est le plus économique, c'est de marcher en termes de transporter des kilos sur de la distance, avec un optimum bien marqué, mais ensuite, encore une fois, on a ce, tout, évidemment ce, ce plateau pour la course. Alors, il y a une autre approche de ce problème de la vitesse de déplacement et du coût énergétique, c'est ce que l'on appelle l'endurance. Et l'endurance, c'est quoi ? Eh bien, c'est votre capacité de courir ou de marcher à une certaine vitesse pendant un temps déterminé. Donc la courbe, enfin c'est cette échelle qui est une échelle de temps, c'est une échelle logarithmique. Vous voyez que à une vitesse déterminée, en marchant, les hommes font preuve d'une bien plus grande endurance que les chimpanzés. C'est-à-dire que dans le fond, les chimpanzés qui se déplacent à peu près à 2 mètres par seconde, eh bien, au bout de, disons, une demi-heure, ils vont être un petit peu à bout de souffle et ils vont s'arrêter, alors que les hommes peuvent continuer pendant très longtemps. Vous voyez que la courbe atteint une valeur de 10 000 minutes. Alors, 10 000 minutes, ça fait plusieurs jours. Hein, donc on dort, mais il y a des gens qui peuvent marcher très très longtemps et qui peuvent courir très très longtemps. Et les hommes ne sont pas de très très bons sprinteurs. Vous voyez que dès que la vitesse dépasse à peu près 6 mètres par seconde, eh bien, l'endurance diminue de façon drastique. Et donc, on tombe, dès qu'on arrive dans des vitesses élevées, eh bien, en quelques minutes, dans le fond, les hommes sont obligés de s'arrêter. Cette transition, ici, elle correspond à un mode de de consommation d'énergie, si je peux dire, pendant la course, qui est ici un mode anaérobie et ici un mode aérobique. Donc ces vitesses de course qui sont des petites vitesses de course, eh bien c'est la vitesse de course de votre jogging qui vous permet de continuer à courir très très longtemps. Parce que vous, dans le fond, vous continuez à respirer et à fournir à votre organisme l'oxygène dont il a besoin et l'énergie dont il a besoin pour continuer cette course. Alors quand on est dans le sprint, là, c'est complètement différent. Donc les hommes, bien que ce ne soient pas des coureurs de sprint, qui ne soit pas très rapide comparé à d'autres quadrupèdes, ont une qualité tout à fait unique au sein des primates, c'est une capacité d'endurance à des vitesses modérées qui est tout à fait remarquable. Alors, cette combinaison de caractères qui est tout à fait propre aux hommes, qui est une, le fait que quand les hommes courent, dans le fond, ils n'ont pas de vitesse de course optimum. Ils peuvent varier la vitesse de course sans que, sur le plan énergétique, ça soit trop dramatique. Alors que pour les quadrupèdes, c'est beaucoup plus compliqué. Ils ont des vitesses fixes, discontinues, qui sont des vitesses optimum. Et la capacité d'endurance très grande chez les hommes qui sont capables de courir très longtemps, avec un autre trait qui est lié à la thermorégulation et à la capacité qu'ont les hommes de refroidir leur corps par la transpiration, eh bien, on pense que cette combinaison de caractères, ça représente une adaptation essentielle chez les hommes qui est liée à ce comportement de prédation dont on a parlé déjà au cours des rencontres précédentes. Et je voudrais vous montrer la technique qui est utilisée par des chasseurs San, des chasseurs qui vivent dans le Kalahari, pour capturer des animaux. Et vous allez voir que ce n'est pas exactement ce que vous imaginez, c'est-à-dire ce n'est pas simplement jeter une sagaie ou des flèches sur un animal pour le capturer, c'est quelque chose qui est assez différent. Donc voilà des chasseurs San qui patrouillent dans l'environnement jusqu'à ce qu'ils repèrent une proie. Et en fait, ce qu'ils vont faire, ils vont la poursuivre à la course en se relayant pendant une période assez longue. Et ces hommes sont capables de courir pendant des heures derrière ces animaux. Alors, Ils ont une capacité que l'antilope qu'ils poursuivent n'ont pas, c'est la capacité de transpirer. Et donc ils vont pouvoir non seulement courir très longtemps, mais continuer à refroidir leur corps, à l'occasion en buvant un petit peu ou en se mouillant. Mais les quadrupèdes couverts de poils n'ont pas cette capacité. Et en particulier, pendant les heures chaudes de la journée, on peut amener un animal à, dans le fond, s'effondrer simplement à cause d'une augmentation de sa température interne. Et dans le fond, les armes qu'utilisent ces hommes sont juste utilisées pour achever ces animaux après les avoir épuisés à la course. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été observé, filmé assez souvent. Et donc, en fait, ce qu'on pense, c'est que les hominines, à un certain moment, se sont spécialisés dans ce type de chasse, qui est un type de chasse, soit dit en passant, assez différent de celui qui est pratiqué par d'autres prédateurs dans les savanes africaines, qui sont plutôt des chasseurs nocturnes ou de la tombée de la nuit ou de la tombée du jour. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eux aussi ce problème de régulation thermique qu'ont leurs proies. Et les hommes, avec la perte des poils et la capacité de transpirer et cette adaptation à la course d'endurance, ont pu développer ce mode de prédation qui est tout à fait particulier. Alors évidemment, on aimerait bien savoir quand ce comportement a commencé dans le passé. Alors on n'a pas vraiment de... Évidemment, pour les périodes très anciennes de l'évolution humaine, on n'a pas de sagaies comme celle que ce chasseur San vient d'utiliser devant vous. Mais on sait que, au moins déjà depuis le Pléistocène moyen, les hommes disposent d'armes. Ici, il s'agit d'un épieu en bois qu'on peut lancer, alors pas une très grande distance, mais qui est assez efficace, qui vient d'un gisement qui s'appelle Schöningen, qui est en Saxe-Anhalt, en Allemagne, où on a trouvé, en fait, pas un épieu comme celui-là, mais toute une série, en même temps que toute une quantité de squelettes de chevaux qui ont été chassés par ces hommes. Et on a dans d'autres gisements pléistocènes des restes osseux. Ici, c'est une omoplate de cheval qui montre des impacts comme celui-là. Donc ce comportement que je vous ai montré chez les chasseurs San, c'est probablement quelque chose qui est relativement ancien. Et mon collègue Dan Lieberman et ses collaborateurs pensent qu'en fait, c'est quelque chose qui remonte probablement à au moins 1,5 million d'années, avec ces Homo erectus qui ont adopté ce mode de vie à un milieu complètement ouvert dont on a parlé déjà très souvent. Alors regardons maintenant dans le registre fossile si on peut trouver les traces, dans le fond, de tous ces changements dont je vous ai parlé. Alors si on remonte très loin dans le passé, au milieu du Miocène, et même au début du Miocène, eh bien, on a des formes qu'on considère comme des formes ancestrales de tous les hominoïdes, c'est-à-dire les grands singes et les hommes, comme ce proconsul africanus du Kenya, qui vivait entre il y a 23 et 14 millions d'années. Ce proconsul, c'est une forme qui est d'une taille beaucoup plus petite que tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent. C'est beaucoup plus petit qu'un chimpanzé, a fortiori qu'un gorille ou qu'un homme. Et donc ces formes miocènes, je vous l'ai déjà signalé, bien dans le fond, on n'observe pas chez elles de traces de marche au sol en appui sur les phalanges, des choses comme ça. Et ça, c'est lié très certainement au fait qu'elles n'ont pas ces problèmes de poids qu'ont les gorilles, les chimpanzés. Et donc, elles se déplacent en milieu arboricole, essentiellement de façon quadrupède ou à l'occasion en pratiquant des déplacements suspendus par brachiation. Alors c'est seulement à la fin du Miocène qu'on va commencer à trouver des fossiles qui sont enfin, qui sont considérés par beaucoup comme montrant les premières traces de bipédie. Alors, par ordre chronologique, si je peux dire, le premier d'entre eux, c'est Sahelanthropus tchadensis, qui a été découvert par Michel Brunet. Donc, vous avez peut-être suivi les cours dans cet amphithéâtre, et qui est donc un primate considéré par Michel Brunet et ses collaborateurs et par beaucoup de monde comme un hominine, c'est-à-dire une espèce qui appartient à la lignée qui va mener vers l'homme, après la séparation d'avec les ancêtres du chimpanzé et du gorille. Et pourquoi est-ce qu'on a classé ce Sahelanthropus tchadensis, ce fameux Toumaï, au sein des hominines? À cause de caractères dentaires qui ne nous intéressent pas beaucoup aujourd'hui, mais surtout à cause du fait que la position de son foramen magnum, c'est-à-dire l'endroit où la colonne vertébrale vient se placer sous le crâne et où la moelle épinière rejoint le cerveau, eh bien, ce foramen magnum, il est dans une position qui est une position avancée et il est aussi dans une orientation qui est une orientation qui suggère une position verticale du tronc sous le crâne. Donc on a un foramen magnum qui est avancé et une orientation du foramen magnum qui se rapproche de celle qu'on observe chez les hommes et qui est très différente de ce qu'on observe chez un chimpanzé, par exemple. Vous voyez que le foramen magnum se trouve beaucoup plus vers l'arrière du crâne et orienté dans une position qui est beaucoup plus oblique, ce qui est logique, puisque dans le fond, vous vous souvenez que sa colonne vertébrale va se placer dans une position oblique quand il est dans un déplacement quadrupède. Alors, cette analyse du crâne de Toumaï ne fait pas l'unanimité. Hein. De toute façon, vous savez, il n'y a pas grand-chose qui fasse l'unanimité en paléontologie. On a pas mal discuté, en particulier de la reconstitution qui a été faite par Zollicoffer et collaborateurs du crâne de Toumaï, de cette histoire d'orientation du foramen magnum. Il semble en fait que c'est plutôt, je dirais, la position du foramen magnum qui semble pertinente, plus que son orientation. Et récemment, il y a un des élèves de Michel Brunet, je crois, Néo, qui a publié un article qui est tout frais, vous voyez, c'est de 2017, où il a analysé, en utilisant un certain nombre de paramètres métriques, il a analysé les variations de la position du foramen magnum dans un grand nombre d'espèces de primates, et il montre de façon assez convaincante qu'effectivement, Sahelanthropus tchadensis se place au sein, ici voilà l'homme moderne, vous avez ici les néandertaliens, les homo erectus, donc se place très très près à l'intérieur de la variation des valeurs observées dans le genre homo et très très loin de ce qu'on trouve chez un gibbon ou chez d'autres grands singes, ici un chimpanzé. Toujours dans le Miocène, dans la fin du Miocène, on a un autre fossile, alors qui lui ne vient pas du Tchad, qui vient du Kenya, qui s'appelle Aurorine tugenensis, qui est un peu plus récent, environ 6 millions d'années, qui a été découvert par Brigitte Senu et Martin Pickford. Alors c'est un fossile qui est, enfin, c'est une espèce qui est représentée par des restes assez fragmentaires. Malheureusement, on n'a pas de crâne. On a des restes dentaires. On a aussi des restes post-crâniens, infracrâniens. Et en particulier, on connaît l'anatomie du fémur de cette aurorine. Et c'est ce fémur qui a fait considérer pendant un moment aurorine comme le premier bipède connu. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'il a une morphologie en particulier du col du fémur et de la tête du fémur qui se rapproche, enfin, C'était l'analyse de Martin Pickford et de Brigitte Senu qui se rapproche des conditions observées chez l'homme avec un col assez long et une tête du fémur qui est relativement bien définie et sphérique, tournée vers l'avant. C'est ce qu'on s'attend à trouver chez un bipède. Alors il y a eu des analyses ultérieures qui ont été faites de ce matériel par d'autres auteurs. Et disons que tout le monde convient que Hororin est un bipède. Maintenant, on a tendance à penser qu'il se rapproche plus en termes anatomiques de ce qu'on va trouver chez les australopithèques un petit peu plus tard que de ce qu'on trouve dans le genre homo lui-même, chez les hommes lui-même. Alors, troisième espèce qui a beaucoup attiré l'attention dans cette problématique de l'origine de la bipédie, encore un fossile d'Afrique de l'Est, cette fois-ci d'Éthiopie, Ardipithecus ramidus, 4,5 millions d'années. On possède un assez grand nombre de spécimens. Beaucoup sont très fragmentaires, beaucoup de restes dentaires. Et on a un squelette. Alors, bon, évidemment, comme vous le voyez, il est quand même assez incomplet. Mais il y a de nombreux éléments qui sont représentés. Et cet Ardipithecus, pourquoi on l'a reconnu comme bipède? Essentiellement à cause de caractères du tibia et du tarse. Vous vous souvenez que je vous ai dit que chez l'homme, il y avait une extension complète de la jambe, donc il n'y avait pas cette position fléchie qu'on observe dans la démarche bipède des grands singes, cette position fléchie de la jambe et de la jambe sur le pied. Donc là, on a une articulation entre le tibia et le tarse qui traduit une position en extension de la jambe. Ça semble être confirmé par des caractères du bassin. Mais bon, comme vous le voyez, le bassin est quand même très déformé et très fragmentaire. Et donc, cet Ardipithecus a été reconnu comme bipède. Alors, cela étant dit, quand on regarde les restes des pieds d'Ardipithecus, on voit que même s'il est capable d'un déplacement bipède, eh bien, il a conservé un grand nombre de caractères qui traduisent son adaptation au milieu arboricole. Alors, vous avez peut-être vu sur la photo précédente la morphologie de ses mains, hein, qui sont très très loin de la morphologie que je vous ai montrée chez un homme tout à l'heure, là, notre joueur de baseball. Et donc, un pied avec un hallux qui est opposable aux autres doigts et qui permet la locomotion arboricole. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 14 novembre 2017 le cours de Jean-Jacques Hublin, Traits de vie et contraintes énergétiques au cours de l'évolution humaine, aujourd'hui le coût de la bipédie. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Jacques Hublin. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2017 sous le titre « Paléanthropologie du genre homo » et avec Bernard Sêtre, il a publié « Quand d'autres hommes peuplaient la Terre, nouveau regard sur nos origines » chez Flammarion en 2008. Un grand merci à Virginie Chauveté, réalisation Anne Sécheret, présentation Mérine Moneghetti. Lundi, nous poursuivrons en compagnie de Jean-Jacques Hublin son interrogation des contraintes énergétiques au cours de l'évolution humaine du point de vue de la locomotion bipède et du singulier système de thermorégulation des hominines. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.